En signe de soutien à la déclaration du porte-parole du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, la demande des États-Unis et des autorités sud-coréennes sur la dénucléarisation du Nord ne fait qu'empirer davantage l'avenir de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le président de l'association d'amitié Nigeria-Corée, Ibrahim Mantou, membre du comité de crédit du Parti démocratique populaire nigérien, a publié le 14 un entretien.